Ayant je sais que faire appel à peine, une encre plus noire que mes songes. Parce que des frères manquent à l'appel, donc je les faire vivre dans mes sons. En vrai j'ai plus d'air, ma clope en est témoin. Je m'enferme seul dans mon enfer, je me demande pas pourquoi les potes m'appellent moins. Ouais j'ai des couilles, mais pas de quoi remplir quatre brosses. Marie mais sans carrosse, à la manger des coups comme les sales gosses. Vendez des bouilles, pour bander tes mous, tenter des boules. Quand t'es repou, tanker des poules, impossible comme se vendre des poules. Les mecs ramer des boules, donc le vice calmer m'appelle. En d'être gâté dans la débrouille, fils du mal à calmer m'appelle. Jeune du 7-8, vagabond c'est ça, j'suis bon qu'à contourner vers ça. Y'a des vrais gars et des versages, j'préfère me tourner vers ça. Des fois j'bataille, souvent contre moi-même. J'traîne mon vague à l'âme, crée mon humeur de galage. J'ramène sourire figé, j'ai fixé à mon âge. Y'a pas de courage, dans la cucaracha, chaque bourrage. Moi j'm'en balance, maqué ou pas, ramène un tas de billage. C'est celle qui ont l'habillage, qui fait rêver de billard. Chez nous les chips, c'est des mias. Milash, mial, colo, sous neuroleptique à l'amiable. Fuck ça, dès que j'rentre sur le morceau, faut que ça pète. Un peu close, trop, enfermé sur moi-même. J'sème le malaise et pas qu'à l'occasion. Il me faut du pèse, y'en a marre des batailles aux plates. En gros, choisir business ou taf, j'veux pas moisir. Vie sous dessous table, me t'anasie. J'pète un cap comme un petit peu tous, ok, loqué, toqué. Marre de perdre nos boulots comme un trousseau de clés. Mais on est plein, ouais, dans un drôle d'état, très tard. Quand le décor se transforme en drop pédard. Mais on est plein, ouais, et c'est là où l'on avoue s'acharner quand la prose pétard. Mais on est plein, ouais, dans un drôle d'état, très tard. Quand le décor se transforme en drop pédard. Nous on est plein à pouvoir étouffer sans son. Plutôt que pousser la fonte, nous on préfère pousser la chanson. Garce à l'écran et vos bubus sans studio, j'adhère pas. Second autant de vocabulaire que l'homme de Néandertal. J'ai des malaises, des coups de gueule et j'aime en faire part. En dévorant le micro avec le frère Mélanomerta. On apporte un tel amer pour garder un semblant de liberté. Je pourrais jamais vivre loin de la mer. J'ai de la fierté, mais à vous qu'ils nous la mettent. Pendant que leur fiston se pète le crâne et secoue la tête. Inhal Sirim, t'auras la pâteuse. Je fais que du hors série. Le stylo sévit pendant les heures creuses. Je fais mes nuits, mais jamais je me repose. Du coup, j'en perds mes repères, je me dose. Captivé par peu de choses, rien à foutre de chôme. Je veux alimenter mon âme. Pour faire du rap canon, je dois agrémenter mon arme. J'emmerde les monarques qui ponctionnent mon argent. Et l'agent, tu m'empêches. Ça pas d'éradiquer mon gramme. Mais on est plein, ouais, dans un drôle d'état, très tard. Quand le décor se transforme en drop pédard. Mais on est plein, ouais, et c'est là où l'on avoue s'acharner quand la brosse pétard. Mais on est plein, ouais, dans un drôle d'état, très tard. Quand le décor se transforme en drop pédard. Nous on est plein à pouvoir étouffer sans son. Plutôt que pousser la fonte, nous on préfère pousser la chanson. Sur une sasse pulpe, on t'y parle, profite tard. Sans les encages, je te dis pas. Je profite pas et avance à petit pas. Je me ressens évitable. C'est une et génitale. Mauvais garçon dans les relations, mais le son c'est vital. La fin c'est vital, arrivé si tard. Pour modèle les pires gars, ça finit mal. Je le sais quand même, je travaille à l'hôpital. Ta légitimité c'est la test. Tes vices tes pires phrases. Mais j'aime bien que t'es pas du genre à test. Gardez qu'une petite frappe. J'en bats pour assouvir des fantasmes de destruction. J'ai écrit des gens combattent. Pendant que le bouc cavale ses gars, avale ta salive. Le flic l'attrape au fond de la cave. Il a vu le soleil pour la dernière fois. Le petit bourge à l'aval c'est caché car il aime la carte. Chacun sa place, l'indifférence ça va ses cardio. Change pas, j'ai juste grandi dans l'illusion. Dans les grandes phases, l'émotion, le chantage. Ouais, les états d'âme remplacent l'atmosphère folklorique. Mon cœur fausse le rythme à croire que toutes les fautes corrigent. Les trucs horribles que je ne comprends et dont tous les propos des braves. Trop tôt j'étais pas prêt à voir des petites GoPro dans les Game Pride. C'est dans le fond d'une bouteille que j'essaie de flouter la peine qui vous lance. C'est trop souvent me rappelle les amis préférant esquiver le lycée. J'ai vagabond des tartes. Sacré palace nocturne entre bagarres de rue ou la vision que je la sous drogue dure. Lointaine et l'insouciance que j'avais quand j'étais pécaigne. Et bêtement je m'entête quand les mousses corsent et que je bégaye. Un boulet de plus, une roulette russe chargée entièrement. La boulette bulle et quand la plume s'abîme, belle et refrément. Y'a tellement de choses que je pourrais jamais leur cacher. Si ce n'est que je les aime depuis tout gosse, faut que je sois pourri pour leur cracher. Les discussions à tout âge, même si l'un de nous échoue. La mif c'est plus qu'un tatouage, je l'ai dans la peau jusqu'à la fin des jours. Mais on est plein, ouais, dans un drôle d'état, très tard. Quand le